Chapitre 287. L'interdiction formelle de l'usure. Riba. Allah Ta'ala dit: ceux qui mangent de l'intérêt usuraire, c'est-à-dire le pratique, ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent: le commerce est tout à fait comme l'intérêt. Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres, accompli la salat et acquitté la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Ô les croyants, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Sourate 2, versets 275 à 278. Les traditions prophétiques authentiques concernant ce sujet sont nombreuses, dont notamment le hadith précédemment rapporté par Abu Huraira, numéro 1614. 1615. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a maudit celui qui prête et celui qui emprunte à usure. Muslim. At-Tirmidhi et d'autres ont ajouté dans leur version, et leurs deux témoins, ainsi que celui qui met la transaction par écrit.